Rhapsodie 11. Eos quitta le lit du brillant Titon afin de porter la lumière aux immortels et aux vivants, et Zeus envoya Eris vers les nefs rapides des Achaïens, portant dans ses mains le signe terrible de la guerre. Et elle s'arrêta sur la nef large et noire d'Odysseus, qui était au centre, pour que son cri fût entendu de tous côtés, depuis les tentes du Télamonien Aias jusqu'à celle d'Achilleus. Car ceux-ci, confiants dans leur courage et la force de leurs mains, avaient placé leurs nefs égales aux deux extrémités du camp. De ce lieu, la déesse poussa un cri retentissant et horrible, qui souffla au cœur de chacun des Achaïens un ardent désir de guerroyer et de combattre sans relâche. Et aussitôt, la guerre leur fut plus douce que le retour sur les nefs creuses, dans la terre bien-aimée de la patrie. Et l'Atréide, élevant la voix, ordonna aux Argiens de s'armer, et lui-même se couvrit de l'airain éclatant. Et d'abord, il entoura ses jambes de belles cnémides retenues par des agrafes d'argent. Ensuite, il ceignit sa poitrine d'une cuirasse que lui avait autrefois donnée Cinyrès, son hôte. Cinyrès, ayant appris dans Kypros, par la renommée, que les Achaïens voguaient vers Ilios sur leur nef, avait fait ce présent au roi. Et cette cuirasse avait 10 cannelures en émail noir, 12 en or, 20 en étain. Et 3 dragons azurés s'enroulaient jusqu'au col, semblables aux iris que le crognon fixa dans la nuée pour être un signe aux vivants. Il suspendit à ses épaules l'épée où étincelaient des clous d'or dans la gaine d'argent soutenue par des courroies d'or. Il s'abrita tout entier sous un beau bouclier aux 10 cercles d'airain et aux 20 bosses d'étain blanc, au milieu desquels il y en avait une d'émail noir où s'enroulait Gorgo à l'aspect effrayant et aux regards horribles. Auprès était la crainte et la terreur. Et ce bouclier était suspendu à une courroie d'argent où s'enroulait un dragon azuré dont le col se terminait en 3 têtes. Il mit un casque chevelu orné de 4 cônes et des grêtes de crin qui s'agitaient terriblement. Il prit 2 lances solides aux pointes d'airain qui brillaient jusqu'à l'Ouranos. Et Athénaïe et Héré éveillèrent un grand bruit pour honorer le roi de la riche Mykénée. Et les chefs ordonnèrent aux conducteurs des chars de retenir les chevaux auprès du fossé, tandis qu'ils se ruaient couverts de leurs armes. Et une immense clameur s'éleva avant le jour. Et les chars et les chevaux, rangés auprès du fossé, suivaient à peu de distance les guerriers. Ceux-ci les précédèrent, et le cruel Cronide excita un grand tumulte, et fit pleuvoir, du haut de l'éther, des roses éteintes de sang, en signe qu'il allait précipiter chez Aïdès une foule de têtes illustres. De leur côté, les Troyens se rangeaient sur la hauteur autour du grand Hector, de l'irréprochable Polydamas, d'Aïnéaste qui, dans l'Ilios, était honoré comme un dieu par les Troyens, des 3 Anténorides, Polybos, le divin Agénor et le jeune Acamas, semblables aux immortels. Et, entre les premiers combattants, Hector portait son bouclier poli. De même qu'une étoile désastreuse s'éveille, brillante, et s'avance à travers les nuées obscures, de même Hector apparaissait en tête des premiers combattants, ou au milieu d'eux, et leur commandant à tous. Il resplendissait, couvert d'étain, pareil à l'éclair du père Zeus tempétueux. Et, comme 2 troupes opposées de moissonneurs qui tranchent les gerbes dans le champ d'un homme riche, les Troyens et les Achaïens s'entretuaient, se ruant les uns contre les autres, oublieux de la fuite funeste, inébranlables et tels que des loups. Et la désastreuse Eris se réjouissait de les voir, car seule de tous les dieux, elle assistait au combat. Et les autres immortels étaient absents, et chacun d'eux était assis, tranquille, dans sa belle demeure, sur les sommets de l'Olympos. Ils blâmaient le Cronion qui amasse les noires nuées, parce qu'il voulait donner une grande gloire aux Troyens. Mais le père Zeus, assis à l'écart, ne s'inquiétait point d'eux. Il siégeait, plein de gloire, regardant la ville des Troyens et les nefs des Achaïens, et l'éclat de l'airain, et ceux qui reculaient, et ceux qui s'élançaient. Tant que l'aube dura, et que le jour sacré prit de la force, les traits sifflèrent des 2 côtés, et les hommes moururent. Mais, vers l'heure où le bûcheron prend son repas, dans les gorges de la montagne, et que, les bras rompus d'avoir coupé les grands arbres et le cœur défaillant, il ressent le désir d'une douce nourriture, les Danaïens, s'exhortant les uns les autres, rompirent les phalanges. et Agamemnon bondit le premier et tua le guerrier Bianor, prince des peuples, et son compagnon Oïléus qui conduisait les chevaux. Et celui-ci, sautant du char, lui avait fait face. Et l'Atréide, comme il sautait, le frappa au front de la lance aiguë, et le casque épais ne résista point à l'airain qui y pénétra, brisa le crâne et traversa la cervelle du guerrier qui s'élançait. Et le roi des hommes, Agamemnon, les abandonna tous deux en ce lieu, après avoir arraché leurs cuirasses étincelantes. Puis il s'avança pour tuer Isos et Antiphos, deux fils de Priamos, l'un bâtard et l'autre légitime, montés sur le même char. Et le bâtard tenait les rênes, et l'illustre Antiphos combattait. Achilleus les avait autrefois saisis et liés avec des branches d'osier sur les sommets de l'Ida, comme ils paissaient leurs brebis. Et il avait accepté le prix de leur affranchissement. Et voici que l'Atréide Agamemnon, qui commandait au loin, perça Isos d'un coup de lance au-dessus de la mamelle, et frappant Antiphos de l'épée auprès de l'oreille, le renversa du char. Et comme il leur arrachait leurs belles armes, il les reconnut, les ayant vus auprès des nefs, quand Achilleus, au pied rapide, les y avait amenés des sommets de l'Ida. Ainsi un lion brise aisément dans son antre, les saisissant avec ses fortes dents, les faibles petits d'une biche légère, et arrache leur âme délicate. Et la biche accourt, mais elle ne peut les secourir, car une profonde terreur la saisit, et elle s'élance à travers les fourrés de chênes des bois, effarée et suant d'épouvante devant la fureur de la puissante bête féroce. De même, nul ne put conjurer la perte des Priamides, et tous fuyaient devant les Argiens. Et le roi Agamemnon saisit sur le même char Peisandros et le brave Hippolochos, fils tous deux du belliqueux Amphimachos. Et celui-ci, ayant accepté l'or et les présents splendides d'Alexandros, n'avait pas permis que Hélénée fût rendue au brave Ménélaos. Et comme l'Atréide se ruait sur eux tel qu'un lion, ils furent troublés, et les souples rênes étant tombées de leurs mains, leurs chevaux rapides les emportaient. Et, prosternés sur le char, ils suppliaient Agamemnon, « Prends-nous vivants, fils d'Atréus, et reçois le prix de notre affranchissement. De nombreuses richesses sont amassées dans les demeures d'Antimachos, l'or, l'airain et le fer propres à être travaillés. Notre père t'en donnera la plus grande partie pour notre affranchissement, s'il apprend que nous sommes vivants sur les nefs des Achaïens. » En pleurant, ils adressaient au roi ces douces paroles, mais ils entendirent une dure réponse. « Si vous êtes les fils du brave Antimachos qui, autrefois, dans l'agora des Troyens, conseillait de tuer nos envoyés, Ménélaos et le divin Odysseus, et de ne point les laisser revenir vers les Achaïens, maintenant vous allez payer l'injure de votre père. » Il parla ainsi, et, frappant de sa lance Peisandros à la poitrine, il le renversa dans la poussière. Et comme Hippolochos sautait, il le tua à terre. Et, lui coupant les bras et le cou, il le fit rouler comme un tronc mort à travers la foule. Et il les abandonna pour se ruer sur les phalanges en désordre, suivis des Achaïens aux Belcnémides. Et les piétons tuaient les piétons qui fuyaient, et les cavaliers tuaient les cavaliers. Et sous leurs pieds, et sous les pieds sonores des chevaux, une grande poussière montait de la plaine dans l'air. Le roi Agamemnon allait, tuant toujours et excitant les Argiens. Ainsi, quand la flamme désastreuse dévore une épaisse forêt, et quand le vent qui tourbillonne l'active de tous côtés, les arbres tombent sous l'impétuosité du feu. De même, sous l'Atréide Agamemnon, tombaient les têtes des Troyens en fuite. Les chevaux entraînaient, effarés, la tête haute, les chars vides à travers les rangs, et regrettaient leurs conducteurs irréprochables, qui gisaient contre terre, plus agréables aux oiseaux carnassiers qu'à leurs femmes. Et Zeus conduisit Hector, loin des lances, loin de la poussière, loin du carnage et du sang. Et l'Atréide, excitant les Danaïens, poursuivait ardemment l'ennemi. Et les Troyens, auprès du tombeau de l'antique Dardanie d'Hélos, se précipitaient dans la plaine, désirant rentrer dans la ville. Et ils approchaient du figuier, et l'Atréide les poursuivait, baignant de leur sang ses mains rudes, et poussant des cris. Et lorsqu'ils furent parvenus au hêtre et aux portes scaies, ils s'arrêtèrent, s'attendant les uns les autres, et la multitude fuyait dispersée à travers la plaine, comme un troupeau de vaches qu'un lion, brusquement survenu, épouvante au milieu de la nuit. Mais une seule d'entre elles meurt chaque fois. Le lion, l'ayant saisi de ses fortes dents, lui brise le cou, boit son sang et dévore ses entrailles. Ainsi l'Atréide Agamemnon les poursuivait, tuant toujours le dernier. Ils fuyaient. Un grand nombre d'entre eux tombaient, la tête la première, ou se renversaient du haut des chars sous les mains de l'Atréide, dont la lance était furieuse. Mais, quand on fut parvenu à la ville et à ses hautes murailles, le père des hommes et des dieux descendit de l'Ouranos sur les sommets de l'Ida aux sources abondantes, avec la foudre aux mains, et il appela la messagère Iris aux ailes d'or. « Va, rapide Iris, et dis à Hector qu'il se tienne en repos, et qu'il ordonne au reste de l'armée de combattre l'ennemi aussi longtemps qu'il verra le prince des peuples, Agamemnon, se jeter furieux au premier rang, et rompre les lignes des guerriers. » Mais dès que l'Atréide, frappé d'un coup de lance ou blessé d'une flèche, remontera sur son char, je rendrai au Priamide la force de tuer. Il tuera, étant parvenu aux nefs bien construites, jusqu'à ce que Hélios tombe et que la nuit sacrée s'élève. Il parla ainsi, et la rapide Iris, aux pieds prompts comme le vent, lui obéit. Elle descendit des sommets de l'Ida vers la sainte Hélios, et elle trouva le fils du belliqueux Priamos, le divin Hector, debout sur son char solide. Et Iris, aux pieds rapides, s'approcha et lui dit « Fils de Priamos, Hector, égal à Zeus en sagesse, le père Zeus m'envoie te dire ceci. Tiens-toi en repos et ordonne au reste de l'armée de combattre l'ennemi aussi longtemps que tu verras le prince des peuples, Agamemnon, se jeter furieux au premier rang des combattants et rompre les lignes des guerriers. » Mais dès que l'Atréide, frappé d'un coup de lance ou blessé d'une flèche, remontera sur son char, Zeus te rendra la force de tuer, et tu tueras, étant parvenu aux nefs bien construites, jusqu'à ce que Hélios tombe et que la nuit sacrée s'élève. » Ayant ainsi parlé, Iris, aux pieds rapides, disparut, et Hector, sautant du haut de son char avec ses armes et agitant ses lances aiguës, courut de tous côtés à travers l'armée, l'excitant au combat. Et les Troyens, se retournant, firent face aux Achaïens. Et les Argiens s'arrêtèrent, serrant leurs phalanges pour soutenir le combat. Mais Agamemnon se rua en avant, voulant combattre le premier. « Dites-moi maintenant, muse qui habitait les demeures ouraniennes, celui des Troyens ou des illustres alliés qui s'avança le premier contre Agamemnon. Ce fut Iphidamas Anténoride, grand et robuste, élevé dans la fertile Tréchée, nourrice de brebis, et son aïeul maternel Kyséus, qui engendra Théano aux belles joues, l'éleva tout enfant dans ses demeures, et quand il eut atteint la glorieuse puberté, il le retint en lui donnant sa fille pour femme. Et quand le jeune guerrier apprit l'arrivée des Achaïens, il quitta sa demeure nuptiale et vint avec 12 nefs aux poupes recourbées, qu'il laissa à Percopée, et il vint à pied jusque dans Hélios. Et ce fut lui qui s'avança contre Agamemnon. Tous deux s'étant rencontrés, l'Atréide le manqua de sa lance qui se détourna du but. Et Iphidamas frappa au-dessous de la cuirasse, sur le ceinturon. Et il poussa sa lance avec vigueur, sans la quitter. Mais il ne perça point le ceinturon, habilement fait, et la pointe de l'arme, rencontrant une lame d'argent, se tordit comme du plomb. Et Agamemnon, qui commandait au loin, rapide comme un lion, saisit la lance et, l'arrachant, frappa de son épée l'Anténoride au cou et le tua. Ainsi ce malheureux, en secourant ses concitoyens, s'endormit d'un sommeil d'airain, loin de sa jeune femme, dont il n'avait point vu le bonheur. Il lui avait fait de nombreux présents, lui ayant d'abord donné 100 bœufs et lui ayant promis 1000 chèvres et brebis. Et voici que l'Atréide Agamemnon le dépouilla et rentra dans la foule des Achaïens, emportant ses belles armes. Et l'illustre guerrier Coën, l'aîné des Anténorides, l'aperçut, et une amère douleur obscurcit ses yeux quand il vit son frère mort. En se cachant, il frappa le divin Agamemnon d'un coup de lance au milieu du bras, sous le coude, et la pointe de l'arme brillante traversa le bras. Et le roi des hommes, Agamemnon, frissonna. Mais loin d'abandonner le combat, il se rua sur Coën, armé de sa lance solide. Et celui-ci traînait par les pieds son frère Iphidamas, né du même père, et il appelait les plus braves à son aide. Mais comme il l'entraînait, l'Atréide le frappa de sa lance d'airain sous son bouclier rond, et il le tua. Il lui coupa la tête sur le corps même d'Iphidamas. Ainsi, les deux fils d'Anténor, sous la main du roi Atréide, accomplissant leur destinée, descendirent aux demeures d'Aïdès. Et l'Atréide continua d'enfoncer les lignes des guerriers à coups de lance, d'épée ou de lourdes roches, aussi longtemps que le sang coula, chaud, de sa blessure. Mais dès que la plaie fut desséchée, que le sang s'arrêta, les douleurs aiguës domptèrent sa force, semblables à ces douleurs amères que les filles de Héré, les Éléithyies, envoient comme des traits acerbes à la femme qui enfante. Ainsi, les douleurs aiguës domptèrent la force de l'Atréide. Il monta sur son char, ordonnant au conducteur des chevaux de les pousser vers les nefs creuses, car il défaillait dans son cœur. Il dit aux Danaïens, criant à haute voix pour être entendu, « Ô amis, chefs et princes des Argiens, c'est à vous maintenant d'éloigner le combat désastreux des nefs qui traversent la mer, puisque le sage Zeus ne me permet pas de combattre les Troyens pendant toute la durée du jour. » Il parla ainsi, et le conducteur du char fouetta les chevaux au beau crin du côté des nefs creuses. Et ils couraient avec ardeur, le poitrail écumant, soulevant la poussière et entraînant leur roi blessé, loin du combat. Et dès que Hector s'aperçut de la retraite d'Agamemnon, il excita à haute voix les Troyens et les Lyciens. « Troyens, Lyciens et Dardaniens, hardis combattants, soyez des hommes. Amis, souvenez-vous de votre courage intrépide. Ce guerrier si brave se retire, et Zeus Cronide veut me donner une grande gloire. Poussez droit vos chevaux aux durs sabots sur les robustes Danaïens, afin de remporter une gloire sans égale. » Ayant ainsi parlé, il excita la force et le courage de chacun. De même qu'un chasseur excite les chiens aux blanches dents contre un sauvage sanglier ou contre un lion, de même le Priamide Hector, semblable au cruel Arès, excita les magnanimes Troyens contre les Achaïens, et lui-même, sûr de son courage, se rua des premiers dans la mêlée, semblable au tourbillon orageux qui tombe sur la haute mer et la bouleverse. Et maintenant, quel fut le premier, quel fut le dernier que tua le Priamide Hector quand Zeus voulut le glorifier? Asaïaos d'abord, Aotonoos, Éopites, Édolops Clitide, Éophaltion, Éagelaos, Éaïsimnos, Oros et le magnanime Hipponoos. Et il tua chacun de ces princes Danaïens. Puis il tomba sur la multitude, telle que Zéphyros qui agite les nuées, lorsqu'il flagelle les vapeurs tempétueuses amassées par les Notos furieux, qu'il déroule les flots énormes, et, de ses souffles épars, disperse l'écume dans les hauteurs de l'air. De même Hector fit tomber une foule de têtes guerrières. Alors c'eût été le jour d'un désastre fatal et de maux incurables, et les Argiens, dans leur fuite, eussent succombé auprès des nefs, si Odysseus n'eût exhorté le Tydéide Diomédès. « Tydéide, avons-nous oublié notre courage intrépide? Viens auprès de moi, très cher, car ce nous serait un grand opprobre si Hector, au casque mouvant, s'emparait des nefs. » Et le robuste Diomédès lui répondit, « Me voici, certes, prêt à combattre, mais notre joie sera brève, puisque Zeus, qui amasse les nuées, veut donner la victoire aux Troyens. » Il parla ainsi, et il renversa Timbraios de son char, l'ayant frappé de sa lance à la mamelle gauche. Et Odysseus tua Molion, le divin compagnon de Timbraios. Ils abandonnèrent les deux guerriers, ainsi éloignés du combat. Ils se jetèrent dans la mêlée. Et comme deux sangliers audacieux qui reviennent sur les chiens chasseurs, ils contraignirent les Troyens de reculer. Et les Achaïens, en proie au divin Hector, respirèrent un moment. Et les deux rois prirent un char, et deux guerriers très braves, fils du Percosien, Mérops, habile divinateur, qui avait défendu à ses fils de partir pour la guerre fatale. Mais ils ne lui obéirent pas, et les cœurs de la mort les entraînèrent. Et l'illustre Tydéide Diomédès leur enleva l'âme et la vie, et les dépouilla de leurs belles armes, tandis qu'Odysseus tua Hippodamos et Hyperochos. Alors le Cronion, les regardant du haut de l'Ida, rétablit le combat, afin qu'ils se tuassent également des deux côtés. Et le fils de Tydéus blessa de sa lance à la cuisse le héros Agastrophos Paionide, et les chevaux du Paionoïde étaient trop éloignés pour l'aider à fuir. Il gémissait dans son âme de ce que le conducteur du char l'eût retenu en arrière, tandis qu'il s'élançait à pied parmi les combattants, jusqu'à ce qu'il eût perdu la douce vie. Mais Hector, l'ayant vu aux premières lignes, se rua en poussant de grands cris, suivi des phalanges troyennes. Et le hardi Diomédès, à cette vue, frissonna et dit à Odysseus, debout près de lui, « C'est sur nous que le furieux Hector roule ce tourbillon sinistre, mais restons inébranlables, et nous repousserons son attaque. » Il parla ainsi, et il lança sa longue pique qui ne se détourna pas du but, car le coup atteignit la tête du Priamide au sommet du casque. La pointe des reins ne pénétra point et fut repoussée, et le triple airain du casque que Phoïbos Apollon avait donné au Priamide le garantit. Mais il recula aussitôt, rentra dans la foule, et, tombant sur ses genoux, appuya contre terre sa main robuste, et la noire nuit couvrit ses yeux. Et, pendant que Diomédès, suivant de près le vol impétueux de sa lance, la relevait à l'endroit où elle était tombée, Hector, ranimé, monta sur son char, se perdit dans la foule et évita la noire mort. Et le robuste Diomédès, le menaçant de sa lance, lui cria « Ô chien, tu as de nouveau évité la mort qui a passé près de toi. Phoïbos Apollon t'a sauvé, encore une fois, lui que tu supplies toujours au milieu du choc des lances. Mais certes, je te tuerai si je te retrouve, et qu'un des dieux me vienne en aide. Maintenant, je vais attaquer tous ceux que je pourrai saisir. » Et parlant ainsi, il tua l'illustre Païonide. Mais Alexandros, l'époux de Hélénée à la belle chevelure, appuyé contre la colonne du tombeau de l'antique guerrier d'Ardanide Hylos, tendit son arc contre le Tidéide Diomédès, prince des peuples. Et, comme celui-ci arrachait la cuirasse brillante, le bouclier et le casque épais du robuste Agastrophos, Alexandros tendit l'arc de corne et perça d'une flèche certaine le pied droit de Diomédès. Et à travers le pied, la flèche s'enfonça en terre. Et Alexandros, riant aux éclats, sortit de son abri et dit en se vantant « Te voilà blessé, ma flèche n'a pas été vaine. Plutôt Dieu qu'elle se fût enfoncée dans ton ventre et que je t'eusse tué. Les Troyens qui te redoutent comme des chèvres en face d'un lion respireraient plus à l'aise. » Et l'intrépide et robuste Diomédès lui répondit « Misérable archer, aussi vain de tes cheveux que de ton arc, séducteur de vierges. Si tu combattais face à face contre moi, tes flèches te seraient d'un vain secours. Voici que tu te glorifies de m'avoir percé le pied. Je m'en soucie autant que si une femme ou un enfant m'avait atteint par imprudence. Le trait d'un lâche est aussi vil que lui. Mais celui que je touche seulement de ma lance expire aussitôt. Sa femme se déchire les joues, ses enfants sont orphelins. Il rougit la terre de son sang, il se corrompt. Il y a autour de lui plus d'oiseaux carnassiers que de femmes en pleurs. » Il parla ainsi, et l'illustre Odysseus se plaça devant lui. Et se baissant, il arracha la flèche de son pied. Mais aussitôt, il ressentit dans tout le corps une amère douleur. Et le cœur défaillant, il monta sur son char, ordonnant au conducteur de le ramener aux nefs creuses. Et l'illustre Odysseus restait seul, car tous les Argiens s'étaient enfuis, gémit et se dit dans son cœur magnanime « Hélas, que vais-je devenir? Ce serait une grande honte que de reculer devant cette multitude. Mais ne serait-il pas plus cruel de mourir seul ici, puisque le Cronion a mis tous les Danaïens en fuite? Mais pourquoi délibérer dans mon cœur? Je sais que les lâches seuls reculent dans la mêlée. Le brave, au contraire, combat de pied ferme, soit qu'il frappe, soit qu'il soit frappé. » Pendant qu'il délibérait ainsi dans son esprit et dans son cœur, les phalanges des Troyens, porteurs de boucliers, survinrent et enfermèrent de tous côtés leurs fléaux. De même que les chiens vigoureux et les jeunes chasseurs entourent un sanglier dans l'épaisseur d'un bois et que celui-ci leur fait tête en aiguisant ses blanches défenses dans ses mâchoires torses et que tous l'environnent malgré ses défenses furieuses et son aspect horrible, de même, les Troyens se pressaient autour d'Odysseus, cher à Zeus. Mais le Laertiade blessa d'abord l'irréprochable Déiopis à l'épaule de sa lance aiguë, et il tua Thoon et Enomos. Et comme Kersidamas sautait de son char, il le perça sous le bouclier au nombril. Et le Troyen roula dans la poussière, saisissant la terre à pleine main. Et le Laertiade les abandonna. Il blessa de sa lance Charops Hippaside, frère de l'illustre Socos. Et Socos, semblable à un dieu, accourant au secours de son frère, s'approcha et lui dit « Ô Odysseus, insatiable de ruses et de travaux, aujourd'hui tu triompheras des deux Hypacides, et, les ayant tués, tu enlèveras leurs armes, ou, frappé de ma lance, tu perdras la vie. » Ayant ainsi parlé, il frappa le bouclier arrondi, et la lance solide perça le bouclier étincelant, et, à travers la cuirasse habilement travaillée, il déchira la peau au-dessus des poumons. Mais Athénée ne permit pas qu'elle pénétrât jusqu'aux entrailles. Et Odysseus, sentant que le coup n'était pas mortel, recula et dit à Socos, « Malheureux, voici que la mort accablante va te saisir. Tu me contrains de ne plus combattre les Troyens, mais je t'apporte aujourd'hui la noire mort. Et dompté par ma lance, tu vas me combler de gloire et rendre ton âme à Aïdès aux beaux chevaux. » Il parla ainsi et, comme Socos fuyait, il le frappa de sa lance dans le dos, entre les épaules, et lui traversa la poitrine. Il tomba avec bruit, et le divin Odysseus s'écria en se glorifiant « Ô Socos, fils de l'habile cavalier Hypassos, la mort t'a devancé et tu n'as pu lui échapper. Ah, malheureux, ton père et ta mère vénérables ne fermeront point tes yeux, et les seuls oiseaux carnassiers agiteront autour de toi leurs lourdes ailes. Mais quand je serai mort, les divins Achaïens célébreront mes funérailles. » Ayant ainsi parlé, il arracha de son bouclier et de son corps la lance solide du brave Socos, et aussitôt son sang jaillit de la plaie et son cœur se troubla. Et les magnanimes Troyens, voyant le sang d'Odysseus, se ruèrent en foule sur lui, et il reculait en appelant ses compagnons. Et il cria trois fois, aussi haut que le peut un homme. Et le brave Ménélaos l'entendit trois fois, et dit aussitôt au Télamonien Aïas, « Divin Aïas Télamonien, prince des peuples, j'entends la voix du patient Odysseus, semblable à celle d'un homme que les Troyens auraient enveloppé dans la mêlée. Allons à travers la foule, il faut le secourir. Je crains qu'il ait été abandonné au milieu des Troyens, et que, malgré son courage, il périsse, laissant d'amers regrets aux Danaïens. » Ayant ainsi parlé, il s'élança, et le divin Aïas le suivit, et ils trouvèrent Odysseus au milieu des Troyens qui l'enveloppaient. Ainsi, des loups affamés sur les montagnes hurlent autour d'un vieux cerf qu'un chasseur a blessé d'une flèche. Il a fui tant que son sang a été tiède et que ses genoux ont pu se mouvoir. Mais dès qu'il est tombé sous le coup de la flèche rapide, les loups carnassiers le déchirent sur les montagnes, au fond des bois. Et voici qu'un lion survient qui enlève la proie, tandis que les loups s'enfuient épouvantés. Ainsi les robustes Troyens se pressaient autour du subtil et prudent Odysseus qui, se ruant à coups de lance, éloignait sa dernière heure. Et Aïas, portant un bouclier semblable à une tour, parut à son côté, et les Troyens prirent la fuite çà et là, et le brave Ménélaos, saisissant Odysseus par la main, le retira de la mêlée, tandis qu'un serviteur faisait approcher le char. Et Aïas, bondissant au milieu des Troyens, tua Doryclos, bâtard de Priamos, et Pandocos, et Lysandros, et Pyrasos, et Pylartès. De même qu'un fleuve, gonflé par les pluies de Zeus, descend comme un torrent des montagnes dans la plaine, emportant un grand nombre de chênes déracinés et de pins, et roule ses limons dans la mer, de même l'illustre Aïas, se ruant dans la mêlée, tua les hommes et les chevaux. Hector ignorait ceci, car il combattait vers la gauche, sur les rives du fleuve Scamandros, là où les têtes des hommes tombaient en plus grand nombre, et où de grandes clameurs s'élevaient autour du cavalier Nestor et du brave Idoménéos. Hector les assiégeait de sa lance et de ses chevaux, et rompait les phalanges des guerriers. Mais les divins Achaïens n'eussent point reculé. Si Alexandros, l'époux de la belle Hélénée, n'eût blessé à l'épaule droite d'une flèche à trois pointes le brave Macaon, prince des peuples. Alors les vigoureux Achaïens craignirent, s'ils reculaient, d'exposer la vie de ce guerrier. Et aussitôt Idoménéus dit au divin Nestor, « Ô Nestor Néléade, gloire des Achaïens, hâte-toi, monte sur ton char avec Macaon, et pousse vers les nefs tes chevaux au sabot massif. Un médecin vaut plusieurs hommes, car il sait extraire les flèches et répandre les doux baumes dans les blessures. » Il parla ainsi, et le cavalier gérénien Nestor lui obéit, et il monta sur son char avec Macaon, fils de l'irréprochable médecin Asclépios, il flagellait les chevaux, et ceux-ci volaient ardemment vers les nefs creuses. Cependant qu'Ebryonès, assis auprès d'Hector sur le même char, vit au loin le trouble des Troyens et dit au Priamide « Hector, tandis que nous combattons ici les Danaïns à l'extrémité de la mêlée, les autres Troyens fuient pêle-mêle avec leurs chars. C'est le Télamonien Aias qui les a rompus. Je le reconnais bien, car il porte un vaste bouclier sur ses épaules. C'est pourquoi il nous faut pousser nos chevaux et notre char de ce côté, là où les cavaliers et les piétons s'entretuent et où s'élève une immense clameur. » Il parla ainsi et frappa du fouet éclatant les chevaux aux belles crinières. Et sous le fouet, ceux-ci entraînèrent rapidement le char entre les Troyens et les Achaïens, écrasant les cadavres et les armes. Et les jantes et les moyeux des roues étaient aspergés du sang qui jaillissait sous les sabots des chevaux. Et le Priamide, plein du désir de pénétrer dans la mêlée et de rompre les phalanges, apportait le trouble et la mort aux Danaïns. Et il assiégeait leurs lignes ébranlées en les attaquant à coups de lance, d'épées et de lourdes roches. Mais il évitait d'attaquer le Télamonien Aias. Alors le père Zeus saisit Aias d'une crainte soudaine. Et celui-ci, étonné, s'arrêta. Et rejetant sur son dos son bouclier aux 7 peaux de bœuf, il recula, regardant toujours la foule. Semblable à une bête fauve, il reculait pas à pas, faisant face à l'ennemi. Comme un lion fauve que les chiens et les pâtres chassent loin de l'étable des bœufs, car il veillait avec vigilance sans qu'il ait pu savourer les chairs grasses dont il était avide, bien qu'il se soit précipité avec fureur et qui, accablé sous les torches et les traits que lui lancent des mains audacieuses, s'éloigne au matin plein de tristesse et frémissant de rage. De même, Aias reculait, le cœur troublé, devant les Troyens, craignant pour les nefs des Achaïens. De même, un âne têtu entre dans un champ, malgré les efforts des enfants qui brisent leurs bâtons sur son dos. Il continue à paître la moisson sans se soucier des faibles coups qu'il atteigne et se retire à grand-peine quand il est rassasié. Ainsi, les magnanimes Troyens et leurs alliés frappaient de leur lance Aias, le grand-fils de Télamon. Ils frappaient son bouclier et le poursuivaient. Mais Aias, reprenant parfois ses forces impétueuses, se retournait et repoussait les phalanges des cavaliers Troyens. Puis il reculait de nouveau, les empêchant ainsi de se précipiter tous à la fois vers les nefs rapides. Or, il combattait seul, dans l'intervalle qui séparait les Troyens et les Achaïens. Et les traits hérissaient son grand bouclier, ou s'enfonçaient en terre sans se rassasier de sa chair blanche, dont ils étaient avides. Et l'illustre fils de Davaïmon, Eurypylos, l'aperçut ainsi, assiégé d'un nuage de traits. Et il accourut à ses côtés, et il lança sa pique éclatante. Il perça le Phosiade à Pisaon, prince des peuples, dans le foie, sous le diaphragme, et il le tua. Et Eurypylos, s'élançant, lui arracha ses armes. Mais lorsque le divin Alexandros le vit, emportant les armes d'Apisaon, il étendit son arc contre lui, et il le perça d'une flèche à la cuisse droite. Le roseau se brisa, la cuisse s'engourdit, et l'Avémonide, rentrant dans la foule de ses compagnons afin d'éviter la mort, cria d'une voix haute afin d'être entendu des Danaïns « Ô amis, chefs et princes des Argiens, arrêtez et retournez-vous. Éloignez la dernière heure d'Aias qui est accablé de traits et qui, je pense, ne sortira pas vivant de la mêlée terrible. Serrez-vous donc autour d'Aias, le grand-fils de Télamon. » Eurypylos, blessé, parla ainsi. Mais ses compagnons se pressèrent autour de lui, le bouclier incliné et la lance en arrêt. Et Aias, les ayant rejoints, fit avec eux face à l'ennemi, et ils combattirent de nouveau, tels que des flammes ardentes. Mais les cavales du Néléide emportaient loin du combat et couvertes d'écume Nestor et Macaon, princes des peuples. Et le divin Achilleus aux pieds rapides les reconnut. Et, debout sur la poupe de sa vaste nef, il regardait le rude combat et la défaite lamentable. Et il appela son compagnon Patroclos. Celui-ci l'entendit et sortit de ses tentes, semblable à Arès. Et ce fut l'origine de son malheur. Et le brave fils de Ménoitios dit le premier, « Pourquoi m'appelles-tu Achilleus? Que veux-tu de moi ?» Et Achilleus, au pied rapide, lui répondit, divin Ménoitiade, très cher à mon âme, j'espère maintenant que les Achaïens ne tarderont pas à tomber suppliants à mes genoux, car une intolérable nécessité les assiège. Va donc, Patroclos, cher à Zeus, et demande à Nestor quel est le guerrier blessé qu'il ramène du combat. Il ressemble à l'Asclépiade, Macaon, mais je n'ai point vu son visage, et les chevaux l'ont emporté rapidement. » Il parla ainsi, et Patroclos obéit à son cher compagnon, et il s'élança vers les tentes et les nefs des Achaïens. Et quand Nestor et Macaon furent arrivés aux tentes d'une Éléide, ils sautèrent du char sur la terre nourricière. Et le serviteur du vieillard, Eurymédon, détela les chevaux. Et les deux rois, ayant séché leur sueur au vent de la mer, entrèrent sous la tente et prirent des sièges. Et Écamédée, aux beaux cheveux, leur prépara à boire. Et Nestor l'avait amené de Ténédos, qu'Achilleus venait de détruire. Et c'était la fille du magnanime Arsinoos, et les Achaïens l'avaient donnée aux Néléides parce qu'il les surpassait tous par sa prudence. Elle posa devant eux une belle table au pied de métal azuré, et sur cette table un bassin d'airain poli avec des oignons pour exciter à boire, et du miel vierge et de la farine sacrée, puis une très belle coupe enrichie de clous d'or que le vieillard avait apportée de ses demeures. Et cette coupe avait 4 anses et 2 fonds, et sur chaque anse 2 colombes d'or semblaient manger. Tout autre l'eût soulevée avec peine quand elle était remplie, mais le vieux Nestor la soulevait facilement. Et la jeune femme, semblable aux déesses, prépara une boisson de vin de Pramnéos, et sur ce vin elle râpa, avec de l'airain, du fromage de chèvre, qu'elle aspergea de blanche farine. Et, après ces préparatifs, elle invita les deux rois à boire. Et ceux-ci, ayant bu et étanché la soif brûlante, charmèrent leur repos en parlant tour à tour. Et le divin Patroclos parut alors à l'entrée de la tente, et le vieillard, l'ayant aperçu, se leva de son siège éclatant, le prit par la main et voulut le faire asseoir. Mais Patroclos recula et lui dit « Je ne puis me reposer, divin vieillard, et tu ne me persuaderas pas. Il est terrible et irritable celui qui m'envoie te demander quel est le guerrier blessé que tu as ramené. Mais je le vois et je reconnais Macaon, prince des peuples. Maintenant, je retournerai vers Achilleus pour lui donner cette nouvelle, car tu sais, divin vieillard, combien il est impatient et prompt à accuser, même un innocent. » Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit « Pourquoi Achilleus a-t-il ainsi pitié des fils des Achaïens que les traits ont percés ? Ignore-t-il donc le deuil qui enveloppe l'armée ? Déjà les plus braves gisent sur leurs nefs, frappés ou blessés. Le robuste Tydéi Diomédès est blessé, et Odysseus illustre par sa lance, et Agamemnon. Une flèche a percé la cuisse de Ripylos, et c'est aussi une flèche qui a frappé Macaon, que je viens de ramener du combat. » Mais le brave Achilleus n'a ni souci ni pitié des Danaïns. Attend-il que les nefs rapides soient en proie aux flammes, malgré les Argiens, et que ceux-ci périssent jusqu'au dernier ? Je n'ai plus la force qui animait autrefois mes membres agiles. Plutôt Dieu que je fusse florissant de jeunesse et de vigueur, comme au temps où une dissension s'éleva entre nous et les Élidiens, à cause d'un enlèvement de bœufs, quand je tuais le robuste Hippéiroquide Itimoneus, qui habitait Élis, et dont j'enlevais les bœufs par représailles. Et il les défendait, mais je le frappai d'un coup de lance au premier rang, et il tomba. Et ses tribus sauvages s'enfuirent en tumulte, et nous enlevâmes un grand butin, 50 troupeaux de bœufs, autant de brebis, autant de porcs et autant de chèvres, 150 cavales, baies et leurs nombreux poulains. Et nous les conduisîmes pendant la nuit dans Pylos, la ville de Néléus. Et Néléus se réjouit dans son cœur, parce que j'avais fait toutes ces choses, ayant combattu pour la première fois. Et au lever du jour, les héros convoquèrent ceux dont les troupeaux avaient été emmenés dans la fertile hélice. Et les chefs pyliens s'étant réunis, partagèrent le butin. Mais alors les Épéiens nous opprimaient, car nous étions peu nombreux, et nous avions beaucoup souffert dans Pylos, depuis que Héraclès nous avait accablés, il y avait quelques années, en tuant les premiers de la ville. Et nous étions 12 fils irréprochables de Néléus, et j'étais resté le dernier, car tous les autres avaient péri. Et c'est pourquoi les orgueilleux Épéiens cuirassés nous accablaient d'injustes outrages. Le vieillard Néléus reçut en partage un troupeau de bœufs et un troupeau de brebis, 300 têtes de bétail et leurs bergers, car la divine hélice lui avait beaucoup enlevé de richesses. Le roi des hommes, Ogéias, avait retenu 4 de ses chevaux, avec leurs chars, qui se rendaient au jeu. Il n'avait renvoyé que le conducteur plein de tristesse de cette perte. Et le vieux Néléus en fut très irrité. Et c'est pourquoi il reçut une grande part du butin, mais il distribua le reste au peuple par portions égales. Et comme nous partageons le butin en faisant des sacrifices, les Épéens survinrent, le 3e jour, en grand nombre, avec leurs chevaux aux sabots massifs, et les 2 Molionides, jeunes encore, inhabiles malgré leur force et leur courage. Or, Tyroessa s'élevait sur une hauteur non loin de l'Alphéos, aux confins de la sablonneuse Pylos. Et l'ennemi l'assiégeait, désirant la détruire. Mais, comme il traversait les plaines, Athénée, pendant la nuit, descendit vers nous du haut de l'Olympos, pour nous appeler aux armes, et elle rassembla aisément les peuples dans Pylos. Et tous étaient pleins d'ardeur. Néléus me défendit de m'armer, il cacha mes chevaux, car il pensait que je n'étais pas assez fort pour combattre. Mais je partis à pied, et je m'illustrais au milieu des cavaliers, parce que Athénée me guidait au combat. Et tous, cavaliers et piétons pyliens, nous attendîmes la divine Eos auprès d'Arénée, là où le fleuve Minéios tombe dans la mer. Vers midi, arrivés sur les bords sacrés de l'Alphéos, nous fîmes de grands sacrifices au puissant Zeus, offrant aussi un taureau à l'Alphéos, un autre taureau à Posidaon, et une génisse indomptée à Athénée aux yeux clairs. Puis, chacun de nous, ayant pris son repas dans les rangs, se coucha avec ses armes sur les rives du fleuve. Cependant, les magnanimes Épéens assiégeaient la ville, désirant la détruire. Et voici que les durs travaux d'Arès leur apparurent. Quand Hélios resplendit sur la terre, nous courûmes au combat, en suppliant Zeus et Athénée. Et dès que les Pyliens et les Épéens se furent attaqués, le premier, je tuai un guerrier, et je me saisis de ses chevaux aux sabots massifs. Et c'était le brave Moulios, gendre d'Ogéas, car il avait épousé sa fille, la blonde Agamédée, qui connaissait toutes les plantes médicinales qui poussent sur la vaste terre. Et je le perçai de ma lance d'airain comme il s'élançait, et il tomba dans la poussière. Et je sautai sur son char, et je combattis au premier rang. Et les magnanimes Épéens s'enfuirent épouvantés quand ils virent tomber ce guerrier, chef des cavaliers, le plus brave d'entre eux. Et je me jetai sur eux, semblable à une noire tempête. Je m'emparai de 50 chars, et je tuai de ma lance 2 guerriers sur chaque char. Sans doute, j'eusse tué aussi les 2 jeunes Actorides, si leur aïeul Posidaon, qui commande au loin, ne les eût enlevés de la mêlée, en les enveloppant d'une nuée épaisse. Alors Zeus accorda aux Pyliens une grande victoire. Nous poursuivîmes au loin l'ennemi à travers la plaine, tuant les hommes et enlevant de belles armes, et poussant nos chevaux jusqu'à Bouprasios, féconde en fruits, jusqu'à la pierreuse Olénée et Alésios, qu'on nomme maintenant Colonée. Et Athénée rappela l'armée, et je tuai encore un guerrier. Et les Achaïens, quittant Bouprasios, ramenèrent leurs chevaux rapides vers Pylos. Et tous rendaient grâce, parmi les dieux, à Zeus, et parmi les guerriers, à Nestor. Tel je fus au milieu des braves. Mais Achilleus n'use de sa force que pour lui seul, et je pense qu'il ressentira un jour d'amers regrets quand toute l'armée achaïenne aura péri. Ô ami, Ménoïtios t'adressa de sages paroles, quand, loin de la Phthiée, il t'envoya vers Agamemnon. Nous étions là, le divin Odysseus et moi, et nous entendîmes facilement ce qu'il te dit dans ses demeures. Et nous étions venus vers les riches demeures de Péléus, parcourant l'Achaïe fertile, afin de rassembler les guerriers. Nous y trouvâmes le héros Ménoïtios, et toi, et Achilleus. Et le vieux cavalier Péléus brûlait dans ses cours intérieures les cuisses grasses d'un bœuf en l'honneur de Zeus, qui se réjouit de la foudre. Il tenait une coupe d'or, il répandait des libations de vin noir sur les feux sacrés, et vous prépariez les chairs du bœuf. Nous restions debout sous le vestibule, mais Achilleus, surpris, se leva, nous conduisit par la main, nous fit asseoir et posa devant nous la nourriture hospitalière qu'il est d'usage d'offrir aux étrangers. Et, après nous être rassasiés de boire et de manger, je commençai à parler, vous exhortant à nous suivre. Et vous y consentîtes volontiers, et les 2 vieillards vous adressèrent de sages paroles. D'abord le vieux Péléus recommanda à Achilleus de surpasser tous les autres guerriers en courage. Puis le fils d'Actor, Ménoïtios, te dit « Mon fils, Achilleus t'est supérieur par la naissance, mais tu es plus âgé que lui, ses forces sont plus grandes que les tiennes. Mais parle-lui avec sagesse, avertis-le, guide-le, et il obéira aux excellents conseils. » Le vieillard te donna ses instructions, mais tu les as oubliées. Parle donc au brave Achilleus, peut-être écoutera-t-il tes paroles. Qui sait si, grâce à un dieu, tu ne toucheras point son cœur. Le conseil d'un ami est bon à suivre, mais si dans son esprit il redoute quelque oracle ou un avertissement que lui a donné sa mère vénérable de la part de Zeus, qu'il t'envoie combattre au moins, et que l'armée des Myrmidones te suive, et peut-être sauveras-tu les Danaïens. S'il te confiait ses belles armes, peut-être les Troyens te prendraient-ils pour lui, et, s'enfuyant, laisseraient-ils respirer les fils accablés des Achaïens. Et le repos est de courte durée à la guerre. Or, des troupes fraîches repousseraient aisément vers la ville, loin des nefs et des tentes, des hommes fatigués par le combat. » Il parla ainsi, et il remua le cœur de Patroclos, et celui-ci se hâta de retourner vers les nefs de l'Aéacide, Achilleus. Mais, lorsque, dans sa course, il fut arrivé aux nefs du divin Odysseus, là où était l'agora et le lieu de justice, et où l'on dressait les autels des dieux, il rencontra le magnanime Evaemonide, Eurypylos, qui revenait du combat, boitant, et la cuisse percée d'une flèche. Et la sueur tombait de sa tête et de ses épaules, et un sang noir sortait de sa profonde blessure. Mais son cœur était toujours ferme, et en le voyant, le robuste fils de Ménoïtios fut saisi de compassion et lui dit ces paroles ailées. « Ah, malheureux chefs et princes des Danaïens, serez-vous donc loin de vos amis, loin de la terre natale, la pâture des chiens qui se rassasiront de votre graisse blanche dans Ilios? Mais dis-moi, divin héros, Eurypylos, les Achaïens soutiendront-ils l'effort du cruel Hector ou périront-ils sous sa lance ?» Et le sage Eurypylos lui répondit, « Divin Patroclos, il n'y a plus de salut pour les Achaïens, et ils périront devant les nefs noires. Les plus robustes et les plus braves gisent dans leurs nefs, frappés ou blessés par les mains des Troyens, dont les forces augmentent toujours. Mais sauve-moi en me ramenant dans ma nef noire. Arrache cette flèche de ma cuisse, baigne d'une eau tiède la plaie et le sang qui en coule, et verse dans ma blessure ces doux et excellents baumes que tu tiens d'Achilleus, qui les a reçus de Chéron, le plus juste des centaures. Des deux médecins, Podalirios et Macaon, l'un, je pense, est dans sa tente, blessé lui-même et manquant de médecin, et l'autre soutient dans la plaine le dur combat contre les Troyens. » Et le robuste fils de Ménoïtios lui répondit, « Héros Eurypylos, comment finiront ces choses, et que ferons-nous? Je vais répéter à Achilleus les paroles du cavalier gérénien Nestor, rempart des Achaïens. Mais cependant, je ne t'abandonnerai pas dans ta détresse. » Il parla ainsi et le soutenant contre sa poitrine, il conduisit le prince des peuples jusque dans sa tente. Et le serviteur de Eurypylos, en le voyant, prépara un lit de peau de bœuf. Et le héros s'y coucha, et le Ménoïtiade, à l'aide d'un couteau, retira de la cuisse le trait acerbe et l'aigu, lava le sang noir avec de l'eau tiède, et de ses mains exprima dans la plaie le suc d'une racine amère qui adoucissait et calmait. Et toutes les douleurs du héros disparurent, et la blessure se ferma, et le sang cessa de couler.